Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à une œuvre majeure de Johnny, 100%. Et pour ce faire, nous accueillons une grande spécialiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Edith et bienvenue sur la route du rock. Bonjour à tous. Sorti le 13 septembre 1999, cet album représente un moment fort dans la carrière du rocker national. Il symbolise une collaboration exceptionnelle entre Johnny et son fils David Hallyday. Oui, c'est un disque d'amour, de transmission, d'émotion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son univers. On part explorer 100%, ses chansons, ses coulisses et son impact. Pour rappel, c'était le 42e album studio de Johnny et il a connu un succès phénoménal dès sa sortie. Oui, c'est incroyable, hein. L'album s'est vendu à 250 000 exemplaires le jour de sa sortie. Impressionnant. Un peu l'enregistrement. Où a-t-il eu lieu ? Enregistré en 99 au Studio Paris et Studio Mega. Collaboration très spéciale pour Johnny. Ah oui, Edith, tu fais référence à son fils, David Hallyday, n'est-ce pas ? Exactement. David a composé l'intégralité de l'album et l'a co-réalisé avec Pierre Jaconelli. C'est une belle histoire de famille, non ? Mais David avait quand même déjà composé pour Johnny, Mirador, par exemple, ou Chanté pour toi pour le concert de Vegas. Ne les oublions pas. Il me reste une seule chose à faire. Oui, en fait, cette collaboration est assez particulière. Ça commence avec François Sagan qui avait écrit le texte « Quelques cris pour Johnny » quelques années auparavant. Le premier cri que j'ai poussé, c'était un cri de nouveau-né. Le jour où ma mère m'a mis bas, les sanglants entre des draps, l'éclat du soleil. Oui, superbe texte de François Sagan qui retrace le voyage de la vie d'un homme à travers des moments importants. Un cri de la naissance avec le choc d'entrer dans le monde, celui de la découverte de la sensualité et de l'amour, celui du succès avec les frissons mais aussi la peur de ses conséquences et enfin le dernier cri. Sagan a capturé l'essence même du personnage de Johnny, passionné, vulnérable et complexe. JP, dis-nous comment cela a amené à la collaboration avec David. Alors Johnny avait déjà proposé le texte à différents compositeurs qu'il connaissait, mais il n'était pas du tout satisfait des résultats, ça lui correspondait pas du tout. Alors il a donc décidé de confier la tâche à quelqu'un de très proche, son fils David. Et c'est devenu le point de départ de leur collaboration sur cet album. Et une belle anecdote, parlons un peu de David. En 99, il connaît lui aussi un énorme succès avec son album Tu ne m'as pas laissé le temps. Il rend hommage à son père en 2024 et 2025 avec sa tournée Requiem pour un fou. Oui, c'était une année faste pour la famille Hallyday. Mais revenons à 100%, quelles sont les chansons marquantes de cet album pour vous ? Ben, l'album contient plusieurs tubes, d'ailleurs presque tous des tubes en puissance. Oui, Il y a un jour viendra, sorti le 24 août 99. Et bien sûr, le titre éponyme, 100%, sorti en single le 16 novembre 99. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime, du bout du cœur. Quand même. N'oublions pas Pardon et Partie de carte. Au total, 6 titres de l'album ont été diffusés en single, ce qui est assez rare. Une partie de carte inachevée qui te ressemblait. C'est vrai. Parlons un peu de la réception de l'album. Comment a-t-il été accueilli par le public et la critique ? Un accueil exceptionnel. En décembre 99, seulement 3 mois après la sortie de son album, qui avait déjà atteint le million d'exemplaires vendus. C'est impressionnant. Johnny a même reçu son premier disque de diamant pour cet album. Et c'était pas tout. À la fin de l'année 2000, les ventes avaient dépassé les 2 millions d'exemplaires. C'est devenu la plus grosse vente de la carrière de Johnny. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer. Cet album est resté classé 97 semaines, dont 11 semaines en tête des ventes et 35 semaines dans le top 10. Un véritable exploit. Et la critique, comment a-t-elle réagi ? Roux, tu as des informations ? Eh bien, l'album a été salué même par les médias les plus élitistes, ceux qui avaient l'habitude de le critiquer depuis le début de sa carrière. Ils ont apprécié la capacité de Johnny à surprendre encore après 40 ans de carrière. 100% a même remporté des prix en 2000. Il a obtenu un M6 Award d'honneur et puis aussi un M6 Award meilleur artiste masculin de l'année. Et c'est sans oublier qu'il a été élu album de l'année aux Victoires de la musique, succédant à Fantaisie militaire d'Alabajou. Cet album a non seulement consolidé la position de légende de la musique française de Johnny Hallyday, mais a aussi attiré une nouvelle génération de fans grâce à la participation de David. C'est vraiment un album qui a marqué un tournant dans la carrière de Johnny. Le succès, tant critique que commercial, a confirmé la place de Johnny comme un icône du rock en France. Avez-vous des anecdotes sur la réalisation de cet album ? Oui, il y a une anecdote intéressante. À l'origine, cet album devait s'appeler « Tel père, tel fils ». Ah bon ? Et qui a trouvé le titre 100% alors ? Eh ben, c'est Sylvie Vartan, l'ex-femme de Johnny et la mère de David, qui a trouvé ce titre. C'est une superbe touche familiale, n'est-ce pas ? Absolument. Cela a montré à quel point cet album était un projet familial. Et en parlant de famille, Johnny a une carrière impressionnante. JP, peux-tu nous rappeler quelques moments clés ? Bien sûr. Le plus important à dire, je dirais, c'est que Johnny a commencé sa carrière très très jeune. Et c'est peut-être d'ailleurs le plus jeune qui a commencé et qui a continué. Son premier album est sorti en 1960. Il faut rappeler qu'il n'avait à peine que 17 ans. Il a connu un succès fulgurant dans les années 60. Il est vite devenu l'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Il a su se renouveler au fil des décennies. Par exemple, en 1968, il sort l'album « Jeune homme » qui marquait un tournant psychédélique dans sa carrière. Et n'oublions pas son album, mon album préféré, « Rivière ouvre ton lit » en 1969, qui était très novateur pour l'époque, avec sa sonorité blues rock et psychédélique. Et bien sûr, 100% en 99 qui a marqué un nouveau sommet dans sa carrière. Oui, Johnny a vraiment su traverser toutes les époques et rester populaire jusqu'à la fin de sa vie en 2017. C'est vrai. Et 100% reste un des moments forts de cette longue carrière. Absolument. La qualité des compositions de David a aidé à combiner l'interprétation puissante de Johnny. Quelque chose de vraiment spécial. Et n'oublions pas la production de Pierre Jaconelli, guitariste, compositeur, réalisateur, producteur musical français. Il a joué entre autres pour Axel Bauer, Pascal Obispo, Zazie, Florent Pagny, Calogero, etc. Il a su donner à l'album un son moderne tout en respectant l'essence du rock de Johnny. Tout à fait. C'est cette alchimie qui a fait de 100% un album incontournable dans la discographie de Johnny Hallyday. Et dans l'histoire de la musique française en général, je dirais. Absolument. C'est un album qui continue d'être écouté et apprécié, même plus de 20 ans après sa sortie. Sur ce, je pense qu'il est temps de conclure notre podcast. Merci à vous deux, les amis, pour cette discussion passionnante sur 100% de Johnny. Merci à vous deux et à tous nos éditeurs. Oui, merci à tous et merci à toi Edith pour ta participation, c'était super sympa. N'hésitez pas à réécouter cet album légendaire. À bientôt pour un nouveau podcast musical. Ciao. Ciao. Ciao. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro,